Chapitre 38. Dans la rue. Ce matin-là, Fifine Chopin était d'une humeur massacrante. Elle attendait l'huissier. Oui, cette rosse de proprio, après lui avoir donné congé, lui avait fait signifier son expulsion. Il n'y avait pas à dire, il fallait déguerpir. Dehors, il faisait un froid sec et dur. À la maison, il n'y avait plus un sou. Ah, misère de misère! Plus rien à se mettre sous la dent. Les matelas avaient filé au clou, la laine engagée poignée par poignée. C'était bien la fin. JB, à la santé. Le grand Charles, à la roquette. Et Ragdal lui-même, à Mazas. Tous les hommes entoilés. Elle avait dû bougrement se décarcasser pour faire croustiller toute la marmaille. Et elle en avait son fade. Car ce n'était pas son blotte. Son train-train de ménage, elle s'en tirait encore quand les semaines de JB tombaient qu'à un cas. On sifflait un litron quand on ne pouvait faire mieux. Mais dame, pour faire elle-même tomber la galette, c'était une autre paire de manches. Et presque tout de suite, le credo chez la fruitière et le bougnat s'était épuisé. Les quelques voisins qui lui avaient, par-ci, par-là, avancé la thune de bonne camaraderie, s'étaient vite lassés, d'autant plus que les nouvelles de J.B. Chopin radinaient de plus en plus moches. Pour comble de mistoufle, cette carne de vautour s'était fâchée, avait exigé des tapés de terme en retard. Et ça y était, on allait flanquer toute la famille sur le trottoir. Fifine allait et venait dans la piole toute noire, où maintenant ça sentait la misère terriblement. Elle envoyait une taloche à toute volée à Mélie, qui avait le toupet de lui demander si on allait bientôt becquer. À ce moment, de faibles vagissements s'élevèrent du berceau placé dans un coin de la triste pièce glacée. C'était Rose Aimée qui pleurait, oh, si doucement, d'une voix toujours si timide et si douce. La pauvre toute petiote avait froid et elle se plaignait, à sa manière, tendait ses exquises notes, comme si elle eût cherché la tiédeur du sein maternel. « Qu'est-ce qu'elle a, cette chipie ? » éclata Fifine, furieuse. « Attends un peu, je m'en vais t'aider, moi !» « T'as pas fini de chialer !» Elle prit la mignonne, l'adorable créature, la secoua, la bouscula et la replaça dans le berceau d'un geste violent qui traduisait toute sa rancune contre l'intruse. Mais elle se retourna vers la porte qui venait de s'ouvrir. C'était l'huissier, l'homme noir, la conscience du bourgeois fait homme. Il exhiba une feuille de papier bleu, noircie d'un infect grimoire, et demanda à Fifine si elle pouvait lui remettre, séance tenante, la somme de 268 francs 45 centimes. Parlant à sa personne, ainsi déclarée, les poings sur les hanches, elle avait écouté sans broncher, les lèvres pincées, les yeux blancs de rage. Et comme l'huissier, selon sa propre expression, réitérait l'invitation à la valse forcée de la monnaie, simplement, en pleine gueule, elle lui envoya « Merde !» Et tout de suite, sans laisser au salaud ahuri le temps de se reprendre, elle lâcha tout ce qu'elle avait sur le cœur, débina dans les grands prix le lâche métier de vache qu'il faisait là. Si ça n'était pas honteux de venir demander de l'argent à des pauvres bougres qui, depuis des jours et des nuits, dansaient la danse infernale du ventre devant le buffet ! Pour achever de l'aplatir, elle lâcha une insulte. « Sacré cochon de Mandigova !» Très froid, très correct, l'huissier s'était contenté de faire un signe à l'un de ses sous-ordres, un employé crasseux et grelottant qui se précipita dehors, et revint, 10 minutes plus tard, accompagné d'un monsieur en redingote noire, ceint d'une écharpe tricolore. « Encore une vache !» Le commissaire de police. Tout le tralala des expulsions, quoi. Fifine en tremblait maintenant. L'indignation et la peur lui donnaient des secousses nerveuses et, désarmée devant cet appareil formidable de la gueuse de loi protégeant le propriétaire, elle ne trouvait plus un seul mot de révolte. Oh, ce fut vite fait. 5 ou 6 individus, à mine louche et sinistre, empoignèrent les 4 sous de meubles de la famille Chopin et eut donc, hardi comme des lâches, tout dégringola dans l'escalier. En quelques instants, Fifine se trouva dans la chambre vidée, avec la bande des petits qui, serrés autour de ses jupes, criaient et pleuraient famine. Alors, farouche et désespérée, elle descendit. Elle tenait dans ses deux bras, d'abord Roculot, qu'elle embrassait éperdument dans le suprême besoin de se raccrocher à quelque chose de tendre, et Rosémée, comme un paquet de chiffons, inutile et encombrant. Et c'était sinistre, cette descente dans le noir escalier gluant de la caserne ouvrière, avec les mioches épouvantées qui dégringolaient en piaillant. À chaque étage, sur les paliers, les portes s'ouvraient, et sur le passage de l'huissier qui filait, le dos rond, en serrant les fesses, tandis que le quart d'œil tâchait de garder une allure digne, c'était un concert d'imprécations, une bordée d'injures tombées de haut. Tous trouvaient ça rien lâche et dégoûtant de flanquer une femme et des mômes dans la rue par ce chien de froid qui cassait les branches sur les arbres couvertes de givre. Et il y avait aussi un peu de terreur égoïste dans leur colère. Il n'y avait pas un ménage qui ne se trouvât en retard du côté du terme. Ils songeaient, l'âme éperdue, qu'autant pouvait leur en arriver. Ça leur pendait au bec, comme une camoufle de deux ronds. C'était la solidarité de l'épouvante. Les poings se tendaient vers l'ennemi invisible, la sale bête qui d'un coup de boutoir pouvait les envoyer rouler dans le ruisseau, le propriétaire, le marchand de sommeil. Quant à Fifine, l'expulsion consommée, elle n'avait plus de voix. Elle s'en allait, les bras cassés, les jambes molles. Dans le couloir d'entrée de la maison, elle recula un instant devant le coup de froid qui la cingla et lui fit venir les larmes aux yeux. Et quand elle vit sur le trottoir ses pauvres hardes en tas, jetées pêle-mêle, elle tomba sur une caisse où l'on avait fourré sa batterie de cuisine, et glacée, frissonnante, elle murmura « Mes gosses, mes pauvres gosses, il n'y a donc pas de bon Dieu ?» Et elle se prit à pleurer. Une voisine, cependant, avait couru de porte en porte. Tout le monde avait donné des 5 sous, des pièces blanches même. Au total, il n'y avait pas gras, 15 francs. On avait fait ce qu'on avait pu, dame, les temps étaient durs. Tout de même, ça réconforta un peu Fifine de voir que la maison prenait part à son malheur. Et lorsque le produit de la quête lui fut remis, elle retrouva son accès de fureur. Elle eut un dernier coup de gueule contre la charognerie du proprio. Mais déjà Bibi, pas cossard ni feignant pour cette fois, et presque un chef de famille dans l'Avaro, était parti chez un loueur de voitures à bras. Il revenait avec une chignole à 4 sous l'heure. En route, il avait racolé son grand copain, Éloi Constant, dont il continuait à courtiser la sœur, la petite Cécile, une frangine gironde comme tout avec ses grands yeux effrontés de faubourienne. Éloi, de son côté, ne cachait pas qu'il en pinçait richement pour la sœur de Bibi, cette batrouquine de Thérèse. Et cela les unissait étroitement, cela resserrait chouettement leur amitié, ce double sentiment. Éloi parlait de la môme Cécile à Bibi, et Bibi donnait des nouvelles de Thérèse à Éloi. On les voyait toujours ensemble, et lorsqu'il leur arrivait de siroter un verre de mélécasse, ils s'attendrissaient, en songeant à des parties carrées qu'ils feraient avec les gosselines, quand le printemps fleurirait les lilas des prés Saint-Gervais. Vrai, c'était gentil, vu qu'il ne pensait pas encore à la saleté du marloupinage. Heureux seulement de bécoter dans les coins chacun sa chacune, et de rester comme ça, en famille. Aussi, lorsque Bibi avait rencontré Éloi et lui avait touché un mot de la vacherie du proprio qui les foutait à la rue, Éloi avait d'abord parlé d'aller en chœur avec quelques copains casser le bec à ce sale oiseau. Puis il avait fini par se proposer, il donnerait un coup de main pour pousser le cul de la chignole. Fifine Chopin les vit arriver tous deux, gaillards et costauds, et ça lui fit plaisir. Tout de suite, ils commencèrent à remplir la roulante. Ce fut vite fait. Les frusques, les chaises, les tablis de Chopin, et jusqu'au litron vide, tout y passa. « Ça y est, la daronne !» annonça Éloi, qui ajouta plaisamment. « Où faut-il conduire, madame? Le coupé est attelé. » Mais Fifine n'avait guère le cœur à la rigolade. Elle fit un geste vague pour dire qu'on pouvait aller au hasard, n'importe où. Ce serait partout le même prix. On les recevrait comme des chiens dans un jeu de quilles. Brutalement, elle plaça Rosémée sur 2 oreillers, en arrière de la guimbarde, aimant mieux garder Roculot dans ses bras. Et, les yeux fixés sur cette maison où elle avait vécu de longues années, pas malheureuse au bout du compte, navrée, désarmée devant cette sale histoire d'expulsion, elle ne se décidait toujours pas à partir. Ce fut encore Éloi qui la remonta avec de grosses plaisanteries, blaguant le frisquet qui pinçait dur, qui faisait grelotter du figne aux petites sœurettes, et même qu'il réchaufferait bien celui de Thérèse. Enfin, Bibi dans les brancards, Éloi poussant par derrière, Fifine suivant, escortée de la marmaille, la bande se mit en route, baladant de porte en porte la chignole d'où montaient des grincements, un tintamarre de casseroles, les petits cris faibles et doux de Rosémée. Au premier écriteau qui indiquait un logement à louer, Fifine entra, demanda le prix et proposa tout de suite 100 sous de denier à Dieu pour séduire la pipelette. Mais la Cerbère, ayant mis le nez dehors et aperçu la guimbarde, comprit tout. Elle prit un air pincé et déclara que, Dieu merci, elle ne louait qu'à des gens convenables, et après avoir pris des renseignements, on n'emménageait pas chez elle comme ça, de but en blanc, elle n'était pas pressée. Les locataires ne manquaient pas, fichtre non, c'était plutôt la galette. Elle clôtura en consentant à prendre les chopins en payant d'avance un demi-terme, 35 francs. « Est-ce que vous foutez de nous ?» gueula Bibi. Et son copain vint à la rescousse, parlant de régler son affaire à cette saloperie et de lui faire avaler son balai, etc. Il eut un sacré coup de gueule, la pipelette n'ayant pas non plus sa langue dans sa poche. Et la balade infernale recommença. La famille Chopin se traînait de rue en rue, parcourait les carrefours, exhibant sa misère aux passants, plutôt indifférents, habitués à ces scènes navrantes, cuirassés contre la pitié. Vers les 2 heures, on fit une halte devant un bistrot. Il fallait tout de même se les caler un peu, on n'était pas des chiens. La bande croustilla, en silence, tassée autour d'une petite table de bois couverte de toile cirée imitant le chêne verni. On mangea du bon fromage de tête de cochon, on cassa la figure à 2 litres, et même Fifine, heureuse de s'avachir dans la grosse chaleur du mastroquet, compléta le repas par une tournée de petits noirs accompagnés de torboyaux. Puis il fallut se remettre en chasse. Mais partout la même histoire. C'était tout juste si les pipelets ne prenaient pas leur manche de balai dès qu'ils apercevaient la lamentable caravane. Ces animaux-là étaient plus carnes que les proprios. Rosémée avait cessé de pleurer. La pauvre petiote s'était engourdie, glissée, perdue entre les 2 oreillers, tombée sur le fond de la chignole, la tête en haut, heureusement. Et elle restait là, comme debout, les yeux fermés, toute palote, avec une mine grave et sévère. Mélie et Lolotte traînaient la savate et tiraient la langue, les mains bleuies de froid, accrochées aux jupes de Fifine et de Thérèse. Et la Chopin se sentait enfoncée dans du noir, dans un infini désespoir. Non, elle ne trouverait rien. Personne ne la recueillerait. Elle coucherait dans la rue, sur le tas, et crèverait au coin d'une borne. Et dans un grand frisson, elle serrait le cher roculot contre son sein, le couvrant de son fichu de laine. Brusquement, la bande s'aperçut qu'il faisait nuit. Les becs de gaz étaient allumés. Il se trouvait quelque part, du côté des boulevards extérieurs, n'ayant pas trop conscience du chemin parcouru. Éloi et Bibi s'arrêtèrent, pour souffler, et essuyer la sueur froide qui leur coulait sur la figure. Avec Fifine, ils s'assirent, éreintés, sur la bordure du trottoir, et, la tête vide, le regard vague, ils sentirent passer sur leurs épaules glacées la formidable épouvante des définitives misères. Ils ne se disaient rien. À quoi bon? Ils subissaient leur angoisse, résignés comme des bêtes condamnées à l'abattoir. Mais Lolotte se mit à tirer Fifine par la jupe. « Maman, j'ai faim !» Et Mélie, elle aussi, commença à geindre. « J'ai froid, ma sœur Thérèse, oh, j'ai froid !» Le fait est que sa pincée dure, nom de Dieu. Fifine, secouée, sortit de sa torpeur et allongea 20 sous à Bibi qui se précipita et bientôt radina avec du brutal et 1 kilo de pive. Fifine ne mangea pas. Les mômes se partagèrent la miche qui fut dévorée goulûment et les 2 gars s'enfilèrent le litron à la régalade. Éloi, réconforté, alors s'orienta. « Où était-on ? » « Ah ben ! Ils en avaient abattu du chemin. Ce qu'ils avaient tricoté des gambettes, ils étaient aux confins de la chapelle, tout simplement. Le boulornano était à 2 pas. et tout à coup, Éloi s'administra un coup de poing sur sa bâche, casquette. Non, ce qu'il était cruche de n'y avoir pas encore pensé. Il connaissait des lascars là-bas, de l'autre côté des fortifs, vers Saint-Ouen, de rue de Zaminche, qui se ferait un plaisir de recevoir la famille Chopin. Oh, les purotins, de la biffe, parbleu! Mais enfin, ils étaient casés dans un wagon réformé au beau milieu d'un terrain vague, et il y aurait de la place pour tous. On verrait, le lendemain, à trouver une chouette installation de même acabit pour les Chopin. Alors, ce fut une joie générale. Et Fifine, dans son bonheur d'être sûre de ne pas coucher dehors, parla de s'amener avec quelques victuailles chez les amis d'Éloi, pour ne pas avoir l'air de cochon. Mais Constant déclara que ça suffisait d'apporter quelques litrons. Et on prit le chemin des fortifs, qui bientôt furent franchis. Il était plus de 8 heures lorsqu'Éloi, qui maintenant s'était mis dans les brancards, annonça qu'on était arrivé. Fifine regarda autour d'elle. Devant et derrière, à perte de vue, il n'y avait que la route qui, sinistre, s'enfonçait dans la nuit. À droite et à gauche, de loin en loin, des maisons basses, séparées par de longues barrières en planches, et au-delà, des champs lépreux. Ce fut dans un de ces champs qu'Éloi poussa la guimbarde. Une lumière brillait à quelques pas. C'était le wagon où habitaient ses amis. Il appela. Un vieux biffin se montra. Éloi lui expliqua le cas en 2 mots. Et l'homme, d'une voix enrouée, s'écria « De la purée, quoi, ça nous connaît. Misère et compagnie, on se tassera un peu. Entrez, les copains, entrez. C'est petit, mais il y a toujours de la place pour tous. » Et l'on entra dans cet espace d'entresort à chiffon. La famille était échouée au port de Misère. On but un coup, on se réconforta, on se cala dans le fond du vieux wagon en ruine, et la mignonne Rose-Aimée elle-même, après avoir longtemps geint comme un pauvre petit agneau, s'endormit sur le rythme lent et doux de la chanson des chiffortons que se mit à lui fredonner le vieux Jean Boncœur. La voici. Un jour qu'il faisait pas beau, pas ben loin du bord de l'eau, près de la Seine, là où qui pousse des moissons, des culs de bouteille et de tessons, dans la plaine, ma mère m'a fait dans un coin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. C'est à côté des fortifs, on n'y voit pas de gens comifs qui sentent le musque, ni des mômes à qui qu'il faut, des complets quand il fait chaud. C'est un lusque dont les gosses ont pas de besoin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. À Paris, y a des quartiers où que les ptios qui ont pas de métier, ils font le pègre. Nous, pour pas crever la faim, à 8 ans chez un biffin, on est nègre. Pour vivre, on a du tintouin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. C'est un métier de purotin, faut trimarder dans pantin, en savate. Faut chiner pour attraper des loupacs ou pour choper les 1000 pattes. D'un mon âge, pas dans le bon joint, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. Faut trottiner toute la nuit, et quand l'amour vous poursuit, on s'arrête. On embrasse et sous les yeux du bon Dieu qui est dans les cieux, comme une bête. On se produit dans un recoin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. Enfin, je ne sais pas comment on peut y vivre honnêtement, c'est un rêve. Mais on est récompensé, car comme on est harassé quand on crève, et le cimetière est pas ben loin, à Saint-Ouen, à Saint-Ouen. Et sur cette finale lamentable, le grand calme de la sorgue emplit la piaule.